je sirote, je pilote, j'enquête comme Vidoc. J'crois qu'il y a assez de place dans ton cul pour y mettre ma bouteille de siroc. Tu sors avec le string sur les bûches, on rentre avec un sans-muche. Tu peux pas tester, c'est pas un euge. Les armes arrivent de l'Est et le baveux F.E.G. Vendre de la CC dans le mois, parce qu'on veut péter dans la soie. Ça kick sale, ils nous connaissent, enregistre, appuie sur pomme. Spartiate avec des Spysac. Crois-tu que c'est le moment de s'en faire? Plus je nous regarde, plus je me dis qu'il y aura du monde en enfer. La caméra thermique nous capture. Non, non, c'est pas de la drogue dure, c'est de la farine pour les flics. Nous on préfère le poulet avec de la chapelure. Circoncis avant même que je tête. Pas besoin de décaloter. La clim arrive par la pute-tête. Pas besoin de décapoter. Hey, j'suis dans le fond du club, ta gueule. J'suis dans le fond du club, ta gueule. J'suis dans le fond du club, ta gueule. Brolic à côté du zup, ta gueule. J'suis dans le fond du club, ta gueule. J'suis dans le fond du club, ta gueule. J'suis dans le fond du club, ta gueule. Viens nous faire un egg. Dans le club, ta gueule. Deux sec. Dans le club, ta gueule. Dans le club, ta gueule. Brolic à côté du zup, ta gueule. Dans le club, ta gueule. Deux sec. Dans le club, ta gueule. Dans le club, ta gueule. Prends plus de place qu'un paquebot. Si je passe, me cherche plus ta go. Ou bien regarde sur les sièges parce qu'elle laisse plus de traces qu'un escargot. Téflon sur les pecs, pec, plaque de fer pour la finition. Mec, tu te trompes d'adversaire, ne te trompe pas de munitions. Je dépose mon holster au vestiaire, t'es dans la file d'attente depuis hier. Je remonte la putain de piste comme le démantèlement des filières. C'est vrai que j'ai la folie du bif et j'ai l'instinct primitif. La face cachée du récif, t'emmène en soins palliatifs, t'accouches ta mère. En même temps que tes gosses, les problèmes arrivent. En même temps que j'accoste, je sors le chibre. En même temps que la crosse et t'avales le sperme. En même temps que ton gloss. La soirée ne fait que s'embraser. Tu veux déjà me quitter. Enfoiré, tu viens pas m'embrasser. Tu veux déjà me niquer. J'suis dans le fond du club, ta gueule. J'suis dans le fond du club, ta gueule. J'suis dans le fond du club, ta gueule. Brolic à côté du zup, ta gueule. J'suis dans le fond du club, ta gueule. J'suis dans le fond du club, ta gueule. J'suis dans le fond du club, ta gueule. Viens nous faire un egg. Dans le club, ta gueule, deux sec. Dans le club, ta gueule, dans le club, ta gueule, brolic à côté du zup, ta gueule. Dans le club, ta gueule, deux sec. Dans le club, ta gueule, dans le club, ta gueule, viens nous. En fait, toi tu viens d'où? Nous, nous, on est sevranais. Le showbiz, on lui fait la bise, la chevrotine sur les vrelets. Ne me pose pas trop de questions. Quoi, tu cherches de la matière grise? Fais un tease. J'te place un kilo de balle dans le cervelet. Comme Tony, Koulibaly, bah j'veux Cali comme Pablo. Lamborghini Diablo, avec ma fissa tout Diallo. Alpha mâle reproducteur, si t'as envie de sexe. Main sur ta schneck, l'autre sur mon Ruger, j'suis ambidextre. Tu seras meilleur que nous quand les ours polaires seront en âge. L'argent tombera du ciel quand les strings des stripteaseuses seront trop larges. Ma clique est algérienne, sénégalo, ivoire, malienne. Je chante mon hymne à la tienne, la puissance est himalayenne, himalayenne. J'suis dans le fond du club, ta gueule. J'suis dans le fond du club, ta gueule. J'suis dans le fond du club, ta gueule. Brolic à côté du zup, ta gueule. J'suis dans le fond du club, ta gueule. J'suis dans le fond du club, ta gueule. J'suis dans le fond du club, ta gueule. Viens nous faire un egg. Dans le club, ta gueule, deux sec. Dans le club, ta gueule, dans le club, ta gueule, brolic à côté du zup, ta gueule. Dans le club, ta gueule, deux sec. Dans le club, ta gueule, dans le club, ta gueule, viens nous, faire un egg. Thérapie musique 2-0-93 2-0-31 K-double-A K-ta-ta-sa-doum.